Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-mu'allif alayhi rahmatullah. Wa an yaj'alaka idha ibtuliya mimman idha ibtuliya sabr. Donc là, c'est encore une autre partie des invocations de l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab pour toute personne qui va profiter de ses écrits. Donc là, il demande à Allah Azzawajal qu'il fasse du lecteur de ses écrits, qu'il le rajoute au nombre de ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent. والصبر كما تعلمون أمر عظيم قيل أنه لا قوامة للتوحيد إلا به Il a été dit que le tawhid tout entier ne peut s'établir que avec cette affaire qui n'est autre que la patience. Non. Wa sabr fi al-lugha huwa al-habs wa al-kaf. Al-sabr fi al-lugha huwa al-habs wa al-kaf. Yani le mot sabr dans la langue arabe signifie الحبس كما تترجمي ça حبس يعني واحد حبس هو انا غيوا بلوكي و بلوكي سابستنير voilà s'abstenir c'est plus correct نعم l'abstention donc la patience en langue arabe signifie l'abstention. نعم. واصطلاحا هو حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وعن التسخط على أقدار الله المؤلمة فالصبر تتضمن هذه الثلاثة. Donc, selon la législation, la patience n'est autre que l'abstention dont fait preuve l'âme dans la continuité de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et face à la désobéissance d'Allah, ainsi que le fait de se mettre en colère contre le décret d'Allah. طيب. Donc, istilahan, la patience, c'est le fait de s'abstenir, ou de, c'est l'abstention de l'âme dans la continuité du suivi de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Ainsi que c'est l'abstention. Ainsi que l'abstention de commettre les interdits d'Allah. Ainsi que le fait de se mettre en colère contre le décret d'Allah. Fassabr. في الإسلام تتضمن أو يتضمن هذه الأشياء. Donc la patience en islam, ça sous-entend ces trois choses. La patience dans l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire tu t'efforces de toujours être dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Parce que toi tu as dit l'abstention dont fait preuve l'âme dans l'obéissance d'Allah. Elle s'abstient pas, en fait. Quand c'est l'obéissance Ouais, d'Allah, c'est bon. ça, raison. Ça serait plutôt Ça serait plutôt comment? l'inverse. Comment tu traduis? Parce qu'en fait, j'ai traduit littéralement, et quand tu traduis Ouais, tu wa veux dire, habsunat. quand tu t'abstiens, c'est que tu le fais pas, et Ouais. toi, t'as dit l'abstention dans l'obéissance. Peut-être la continuité, quoi. Ouais, voilà, c'est en fait on mettait la continuité, ouais. Dans le fait de Persévérer. retenir, le fait de retenir son âme dans l'obéissance. Dans la désobéissance, plutôt, non? Non, dans l'obéissance. La patience, c'est pas grave. Hein? Comment? Mais c'est pas grave, non? L'istikhara, ouais, parce que là on cherche une parole en français en fait. Comment? Ça se dit comme ça aussi. Ça se dit comme ça aussi? Bien sûr. Ouais. Moi, je comprends pas, en fait. En fait, C'est pas regarde, c'est ça. simple. C'est simple. C'est Tu que c'est... retiens que la patience, c'est le fait de faire preuve de continuité dans l'obéissance d'Allah. Mais là, t'as cité trois points. Ouais, c'est ça, je vais le citer là aussi. La continuité dans l'obéissance d'Allah. Et le fait de patienter face à la désobéissance. Et de patienter face au décret d'Allah. Ces trois choses. La patience dans l'obéissance. La patience face à la désobéissance. Et la patience face au décret d'Allah. Tamam? C'est ces trois choses-là. Ça y est? وهناك كلام جميل للإمام السعدي عند قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآيتان Et là, on va évoquer une parole, une très très belle parole de l'imam Saadi au sujet du verset 155 et 156 de Sourate Al-Baqarah. Les versets 155 et 156 de Sourate Al-Baqarah. Donc il dit, cet imam, l'imam Sa'di, qala, أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر وهذه سنته تعالى في عباده. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé dans ces versets, les versets qu'on a cités, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons certes vous éprouver d'un peu de peur, de faim, de diminution des biens et de fruits, et fais la bonne annonce, mais fais la bonne annonce à ceux qui patientent. Tamam? Donc l'imam Sa'di dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé dans ses versets qu'il allait certes éprouver ses serviteurs croyants par des épreuves de tout genre. Et ceci afin d'éclaircir ou de mettre la lumière sur qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Non. Qui sont ceux qui aiment véritablement cette religion et qui sont ceux qui mentent? Al-nifaq. لأن المنافقون المنافقين إذا وقعت عليهم فتنة ينصرفون عن الدين ويتكلمون بما لا يرضي الله بما لا يرضي الله عز وجل. Pourquoi? Parce que les hypocrites et toute personne qui a une foi faible, lorsqu'ils sont éprouvés d'une quelconque épreuve, ils se détournent de la religion et peuvent même dire des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Donc en gros, il dit ceci afin de mettre la lumière sur le véridique, afin de distinguer le véridique du menteur. Et celui qui al-jazir, c'est celui qui désespère rapidement. Celui qui désespère rapidement, pour différencier celui qui désespère rapidement du patient, celui qui fait preuve de patience. Et ceci est une sunna d'Allah Azzawajal. Ceci est une tradition d'Allah Azzawajal qui consiste au fait qu'il éprouve les croyants. Bil mihani wal fitan wal shada'ir. والفقر والجوع وغير ذلك. طيب قال لأن السر، وهذه كلها كلمات نافعة، كلمات نافعة. قال لأن السر لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. Pourquoi? Parce que le bonheur, s'il reste constamment avec les croyants, hein, et jamais il leur arrive une épreuve, la hasala l'ikhtilat. Il y aurait eu, cela aurait, il y aurait, cela aurait produit un mélange. Le fait que les croyants ne soient pas éprouvés et qu'ils soient dans un bonheur constant, ça aurait suscité ou ça aurait amené un mélange entre quoi et quoi ? Entre le croyant et le non-croyant. Entre le véridique et le menteur. Puisque la personne n'est éprouvé, tout le monde est dans un khair, on ne peut pas vraiment savoir qui est véritablement sur la religion ou pas. Mais tu vas le savoir avec les épreuves. Non. La hasala al-ikhtilat alladhi huwa fasadun. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير، تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم. Et ça c'est une très bonne parole de l'imam Saadi. Il dit que la sagesse d'Allah sous-entend qu'il doit y avoir une séparation et une chose qui différencie entre les gens du bien et les gens du mal. Et cette chose-là, c'est l'utilité des fitnes. C'est dans cette chose-là que tu vas trouver l'utilité des épreuves. Parce qu'elle sépare entre les véridiques et les menteurs, entre les croyants et les non-croyants. T'as vu ? Mais ce n'est pas le but d'une épreuve de dissiper ce que le croyant possède comme foi, comme croyance, comme sabbat. C'est pas le but de l'épreuve. Non. L'épreuve, c'est d'augmenter sa foi. Le but, c'est d'augmenter sa foi. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين أو ماذا وإذا قيل لهم إن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Les gens, les compagnons, lorsqu'on leur a dit que les coalisés se sont rassemblés, toutes les armées parmi les tribus arabes se sont rassemblées contre les gens peu nombreux d'Al-Médine, jusqu'à les ont encerclés. Hein? On a dit aux gens, aux croyants, il faut craindre ce groupe qui arrive vers vous. Et les croyants, lorsqu'ils ont vu cette épreuve, qui était véritablement une épreuve azim, comme ils étaient véridiques avec Allah Azza wa Jal, et ils étaient véridiques dans leurs paroles et dans leur faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a rajouté du sabbat et rajouté de la foi. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا. نعم. طيب, Ismail. هذا ما وعدنا الله ورسوله وما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم نعم. طيب قال بعد ذلك. Donc ça c'est une très très grande faïda qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve, mais c'est pas pour que tu perdes de la force dans ta croyance, ou c'est pas pour que tu reviennes sur ta religion. Non, au contraire, c'est pour vraiment qu'il voie de toi cette foi qui est censée être inébranlable. Naam. Qala fama kana Allah li yudhi'a iman al-mu'minin ila an qala fa hadhihi al-umur. Et là il dit l'imam Sa'di, fa hadhihi al-umur الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ces affaires, ces différentes actions qui sont évoquées dans le verset, la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de fruits, la budda an taqa. La budda an taqa. C'est une chose qui est obligatoire à chaque croyant qu'il soit touché par cette parole, qu'il soit touché par cela. Diminution. C'est la parole de l'imam Sa'di. Dans le tafsir de ce verset. Il dit la budda an taqa. لأن العليم الخبير أخبر بها. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que le khabir, le plus connaisseur, c'est Allah Azzawajal, le plus savant. Il nous a informé que ces choses-là vont tomber sur les croyants. Donc c'est obligatoire que chaque croyant, qu'il soit homme ou femme, qu'il ait dans sa vie des moments de peur. Des moments où peut-être il va goûter la faim. Ou peut-être il va coûter une diminution de biens ou de personnes, c'est-à-dire il va perdre des proches ou des fruits. Comme c'est cité dans le verset. قال لا بد ان تقع لان العليم الخبير اخبر بها فوقعت كما اخبر فاذا وقعت انقسم الناس. Et lorsque ces choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il a fait l'annonce qu'elles allaient tomber sur les croyants, lorsque ces choses viennent à tomber, alors là, les gens se divisent en deux catégories. Aïwa, Hassan et Ja'far. As-sadiqin. Ceux qui étaient véridiques. Wal-kadibin. Al-jazi'in. Ceux qui étaient véridiques et ceux qui ont fait preuve d'un manque de patience et qui étaient menteurs dans leurs prétentions. Taïb. Qala fal-jazi'. Et ça, il faut bien que vous reteniez. Ça, c'est vraiment une faïda, une kalam jamid. Jiddan. Qala fal-jazi'. Hassalat lahu al-musibatan. Celui qui ne fait pas preuve de patience. Que ce soit un homme ou une femme. Celui qui ne fait pas preuve de patience lorsqu'il. Au premier son de cloche. Au premier son. Au premier. À la première. Épreuve qui lui vient. Celui qui ne fait pas preuve de patience, voilà, il tombera ou sera tombé sur lui deux malheurs. Deux malheurs. Fawat al-mahboub wa huwa wujud al-musiba. Ce malheur-là, le premier malheur qui l'a touché, si c'est la perte d'un proche. Donc ça sera cela. Taïb. Wa fawat ma huwa a'zamu minha wa huwa al-ajr. بِمْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ بِالصَّبْرِ. Et le deuxième malheur, c'est qu'il va perdre la récompense d'Allah Azza wa Jal, qui aurait dû descendre sur lui pour, en vue de sa patience. Ça veut dire, non seulement le malheur l'a touché, c'est déjà le 1, mais deuxièmement, il perd ce qui est encore plus important et plus élevé que le malheur même, c'est la récompense d'Allah Azza wa Jal. ففاز بالخسران والحرمان ونقص ونقص معه من الإيمان. Et donc il est comblé après avoir fait un manque de patience, après avoir manqué de patience, il se trouve comblé de perdition et d'interdit et sa foi diminue. Subhanallah. Sa foi diminue. بسبب ايش؟ بسبب انه ما صبر. Juste parce qu'il n'a pas patienté, sa foi elle diminue. Et s'il aurait patienté, sa foi elle aurait augmenté. Ajib jidda. Qala ma'a dhalik wa fatahu as-sabr war-ridha wash-shukran wa hasalat lahu as-sakhat ad-dal 'ala shiddati an-naqsan. Et au contraire, il a perdu la patience ainsi que l'agrément et le remerciement pour que cela soit remplacé par La colère d'Allah Azza wa Jal qui descend sur lui. Naam. Donc celui qui ne patiente pas lorsque une quelconque épreuve le touche, voilà ce sur quoi il est menacé. Voilà ce sur quoi il est menacé. Ce qui le menace. Naam. Akhouna Ja'far il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve pas une personne selon sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Déjà ça c'est un ayat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'éprouve pas il n'éprouve pas une personne au-delà de sa capacité. C'est un verset. Et si une personne ne peut pas, par exemple, supporter la perte d'un proche. Si une personne elle peut pas supporter la perte d'un proche. Ça veut dire que l'imam, le tafsir de l'imam Saadi, est-ce qu'il est prédit que toute personne sera touchée par les épreuves citées dans les versets? Mais si une personne ne peut pas supporter cette épreuve-là? Il faut savoir que ce qui descend sur toi, c'est selon ta capacité. Si Allah il a éprouvé une personne de la perte de quelqu'un de ses proches, c'est en fonction de sa capacité. C'est qu'il peut. C'est qu'il peut. Et c'est pourquoi, regarde bien à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala, il te reprend les gens qui t'entourent. Il ne te les reprend pas lorsque tu es dans un... Fi amas il haja ilayhim. Il ne te les reprend pas lorsque tu es... dans leur besoin, dans le besoin de ces gens-là, d'un besoin le plus fort, si on peut dire. Mais sa sagesse, elle fait que ils vont partir. Si c'est des proches, ils vont partir au moment où qui convient le mieux. Au moment qui convient le mieux. Si c'est une mère, elle partira au moment qui convient le mieux pour sa fille croyante. Ou hakala, si c'est un frère. Ou hakala. Si c'est un père ou autre. Lil hadith, lil ayah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas une personne selon, si ce n'est pas de ce qu'elle est capable en fonction de sa capacité. طيب قال بعد ذلك واما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب اجره عند الله. Mais tandis que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à la patience au premier son de cloche, lui dès qu'il lui vient l'épreuve, dès que l'épreuve lui vient, il retient son âme contre les mauvaises paroles, contre les mauvaises actions, et il retient, yani, et il pense directement à la récompense d'Allah Azza wa Jal. وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة. Et cette personne là, elle a su que ce qu'elle va acquérir comme récompense chez Allah Azza wa Jal, elle est meilleure que ce qu'elle perd comme malheur, ou que elle est meilleure que ce qui la touche comme malheur. نعم بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب فلهذا قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين. Mais au contraire, celui qu'Allah a guidé vers la patience, en vérité, son épreuve, son malheur, il se transforme pour lui en bonheur et en bienfait. Pourquoi? Parce que son malheur là, c'est devenu un chemin qui va le mener à la récompense d'Allah Azza wa Jal. Na'am. Wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Salawat min al-Rab. Khairun min al-Dunya wa ma fiha. Salawat min al-Rab. Les prières d'Allah sur le serviteur. C'est quoi le but visé? Ya Abba Zakari. Bénédiction. Les bénédictions. Bilal. Les bénédictions. Abba Abdelrahman. C'est l'éloge d'Allah Azza wa Jal qui va faire au sujet de ces personnes-là devant les meilleurs des anges. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si déjà il t'évoque en faisant ton éloge, Ça, c'est meilleur que cette dunya, wa ma alayha. Une femme qui patiente lorsque son mari vient à mourir. Ou face à la pauvreté. Ou dans n'importe quel shada'id, elle se trouve. Ou un homme, sachez, ou tayaqqanu, an Allah subhanahu wa ta'ala, yathkuruhu, ou yathkuruha, bikhair, inda al-mali al-a'la. Li hadhihi al-aya. Faut penser, lorsqu'on est touché d'une épreuve comme cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque celui qui patiente auprès des meilleurs des gens. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim, juste cette chose-là, c'est meilleur que toute cette dunya. Que le Seigneur de cette dunya, il t'évoque en bien. Devant les êtres les plus énormes et les plus appréciables qui n'ont jamais été créés. Les anges, les plus proches d'Allah, Azza wa Jalla, Jibril, wa Mikaël, wa Ghayra. Naam. Taïb. Wa Rahma. Wa Rahma. Donc regardez, celui qui patiente. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur lui une miséricorde. Que ce soit dans son risque, que ce soit dans sa santé, que ce soit dans sa science, que ce soit dans ses fréquentations, que ce soit dans toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a patienté, Allah subhanahu wa ta'ala, il le comble. Non seulement d'un éloge, mais aussi d'une miséricorde, azim. Il fait don d'une miséricorde, azim. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Donc cette miséricorde, pareil, la miséricorde d'Allah, خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. Juste la miséricorde qu'Allah il accorde à son serviteur, c'est mieux que ce sur quoi se lève le soleil. C'est-à-dire c'est mieux que toute cette dunya. Tayyib. Wa niyat al-aya wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Et ceux-là sont les bien guidés. Donc ça montre encore quoi? Que celui qui patiente, non seulement Allah il fait son éloge, non seulement Allah il fait descendre sa miséricorde sur lui, mais en plus il le guide. Avec cette patience-là, il va le guider. Et la guider d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est azim. Wa daqiqa. Il se peut que c'est juste, il va te préserver de passer d'un chemin à un autre. Toi, tu voulais passer par exemple, à droite. Tu dis non, je vais tourner à gauche. Il t'a préservé d'un accident. Il t'a préservé de te faire kidnapper. Il t'a préservé de beaucoup de choses. Non. Juste pourquoi? Parce qu'une fois dans ta vie, tu as patienté. Hein? Et t'as dit du bien lorsque l'épreuve t'a touché. Méditez sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala où la alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui sont touchés par une musiba, peu importe la musiba, ils reconnaissent qu'ils appartiennent à Allah et que c'est vers Allah qu'ils vont faire retour. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est venu avec ce médicament? Cette directive qui est en vérité un médicament pour toute personne touchée d'une épreuve. Pour te faire comprendre que, hey, mahma yahsul, anta abdun min ibadillah wa khalqun min makhluqatih. Peu importe ce qui va te toucher, n'oublie pas que tu es un serviteur. N'oublie pas que tu es une créature parmi les créatures d'Allah Azzawajal. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et n'oublie pas que tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester fier à la dunya. Mais tu vas revenir vers ton Seigneur, celui qui t'a créé. Parce que ça, en vérité, quand tu te trouves dans l'épreuve, c'est le meilleur des apaisements. Le fait de te rappeler qu'on est tous, on appartient tous à Allah Azza wa Jalla. Et qu'on va tous revenir à lui. Si tu as perdu ta mère, tu te rappelleras qu'en vérité, قَدْ مَاتَتْ أَمْسْ وَغَدًا أَنَا. Ça va t'apaiser. Et ça va te pousser à dire de bonnes paroles. Non. C'est quand on est touché par une musiba, qu'on dit la fin du verset. Est-ce qu'on peut avoir la récompense même si on ne l'a pas cité? Même si tu n'as pas cité ce... Parce qu'il y a une suite qu'on peut dire à la suite de ce verset. On demande à Allah qu'il nous récompense par meilleur. Ouais, c'est une autre dua. Mais le verset... Il est un âme. C'est-à-dire que la récompense, il y a un frère qui demande, celui qui il patiente sans évoquer la dua du verset, c'est ça? Est-ce qu'il il bénéficiera de la récompense qui est citée dans le verset? C'est ça? C'est ça ta question? Naam. Al-Zahir, naam. الظاهر نعم باسكو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث dans plusieurs hadiths lorsqu'il a été touché d'une grande épreuve il n'a pas forcément dit inna lillahi wa inna ilayhi radiun. Dans certains hadiths on a inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltahtasib faltasbiri wa tahtasibi. Tamam, donc ça c'est une autre dua qu'il a fait, mais بلا شك أن الظاهر الآية أنه يعم جميع من يصبر في هذا الأمر سواء كان نطق بهذه الدعاء أو بغيره. Je sais pas si ça se dit ça être comment dire éprouvé à travers un rêve en fait. Est-ce que tu peux être éprouvé à travers un rêve? Ça se dit ou être éclairé ou éprouvé? Et être éprouvé par rapport à un rêve. Ouais. Est-ce que ça se dit ça en fait? Est-ce que c'est. Yanni, comment ça? Est-ce que tu peux être. Tu vois quelque chose dans ton rêve, voilà, ça te fait. Ça, voilà. Non, ouais. Ah, tu peux, Naam. Tu peux être éprouvé par rapport à un rêve. Tu peux être éprouvé. Et... Naam, tu peux être éprouvé par rapport à un rêve. Et ce rêve, en fait, en histoire réelle, il se arrive en fait. Naam, tu peux être éprouvé par des mauvais rêves. Naam, tu peux être éprouvé par des mauvais rêves. C'est pourquoi le prophète, ça, c'est là. Il a demandé, il a cherché refuge. Et il a enjoint ses compagnons, lorsqu'ils voient un mauvais rêve, de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ce rêve-là. Naam. Naam. Okay, on reprend vite la parole de l'imam Sa'di et puis on terminera sur ça. Taïb, qala. Wa qala. Wa dallat hadhihi al-aya ala anna man lam yasbir falahu diddu ma lahum. فحصلت له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارة. Et on prend du verset comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils auront un éloge d'Allah et qu'ils auront une miséricorde et qu'ils seront bien guidés. On prend par le mafhoum al-mukhalafa, par le contraire du verset, que celui qui ne patiente pas dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il aura? Au lieu d'un éloge, une critique d'Allah azza wa jalla. Au lieu d'une rahma, un châtiment, un ghadab. Et au lieu d'une guidée, un égarement. Iyadam billah. C'est pourquoi il faut vraiment que chacun de nous, on comprenne que la patience face aux épreuves, c'est une affaire obligatoire. Qala, ila an qala. Faqad ijtamalat hatani al-ayatan ala tawtin al-nufus ala al-masa'ib qabla wuku'iha litakhaf wa tashul. Donc ces versets-là, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait descendre pour préparer chaque croyant à ce qui va lui arriver dans sa vie. Afin que lorsque l'épreuve le touche, ça soit plus simple pour lui, plus facile de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aura déjà prévenu qu'il va l'éprouver. Ça va? Wa bayan anna ma tuqabiluhu bihi. إذا وقعت هو الصبر وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر. نعم. Il y a aussi une autre parole de l'imam Sa'di qui dit dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ألا إن نصر الله قريب قال فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن. Toute personne qui établit la vérité, qui établit la vérité sur terre, elle se doit d'être éprouvée. Toute personne. N'importe quelle personne qui vient, qui prêche la vérité, elle se doit d'être éprouvée. Que ce soit un homme ou une femme. Elle se doit d'être éprouvée. قَالَ فَكُلُّ مَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ وَصُعُبَتْ إِذَا صَابَرَ وَثَابَرْ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِنْقَلَبَتْ الْمِحْنَةِ في حقه منحة والمشقات راحات. نعم. Et donc à chaque fois plus ça va devenir difficile pour celui qui appelle à la vérité. Plus ça devient difficile pour lui et il continue à patienter, plus en fait ces épreuves vont devenir vont se remplacer en bienfaits. Et les difficultés vont devenir des facilités. وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء والشفاء ما في قلبه من الداء. Et la fin de son affaire sera le secours d'Allah Azza wa Jal face à ses ennemis et aussi la guérison de son cœur ou la guérison des maladies qui peuvent se trouver dans son cœur. وقال et c'est là, il termine par cette parole là et c'est une parole jamil qui dit كلام كما يقال ذهبي une parole en or et dit فعند الامتحان يكرم المرء او يهان. Et donc lorsque l'épreuve arrive, la personne est soit honorée ou soit avilie. Comment elle est honorée? Comment elle est honorée la personne lorsque l'épreuve lui vient? Parce qu'elle patience. Ah, oui. Elle est honorée par la patience. Et comment elle est avilie? Par le manque de patience. فَعِنْدَ الْإِبْتِحَانِ يُكْرِمُ الْمَرْ أَوْ يُهَانِ. طيب هناك مسألة. Et on termine juste sur l'évocation de cette mas'ala. C'est quoi le... On a évoqué trois types de patience. La patience... L'obéissance. Dans l'obéissance d'Allah. La patience face, à les, face aux interdits d'Allah. L'obéissance face aux décrets d'Allah. Quelle est la meilleure entre l'obéissance sur la patience... La patience dans l'obéissance ou la patience face aux interdits? Batal. Hein? La patience face aux interdits. Mm-hmm. Qui est d'accord avec Akhona? Hein? Antouma. Enfin, la patience face aux interdits. Tu patientes sur ce qui est interdit. Mais non, c'est plus l'obéissance. Tu patientes par rapport à ce qui t'a ordonné en fait. Alan Abu Zakaria yaqul. La patience face aux interdits, elle est plus élevée. Et Ismail, il dit que la patience dans l'obéissance est plus élevée. Tamam? Tu patientes. Ismail? Daf al-mafasid, donc toi, t'es sur quoi là? La vie d'Abu Zakaria, comme quoi le fait de patienter face aux interdits, c'est plus élevé que de patienter face dans l'obéissance d'Allah. Kila ou Massawa? Parce que l'homme est attiré vers la désobéissance. L'homme, il est attiré vers la désobéissance. C'est difficile de... Donc toi, t'es avec Abu Zakaria? Abu Zakaria, t'as pris tout le monde aujourd'hui. Hein? Ismail, là, t'es... ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أبو زكريا يستدل يبخون pour preuve le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام où il dit ce que je vous ai interdit éloignez-vous-en et ce que je vous ai ordonné accomplissez-le en fonction de votre capacité. Donc la patience. طيب جميل. وماذا تقول في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي أعمال خير فقال الصلاة على وقتها. عبد الله بن مسعود il rapporte un hadith متفق عليه où on demande au prophète عليه الصلاة والسلام quelle est la meilleure des œuvres. Il dit que tu fasses ta prière à l'heure. Tamam? وماذا تقول في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Je n'ai pas créé les djinns et les hommes si ce n'est pour qu'ils m'adorent. لكن جاء في الحديث نسيت الصحابي يقول les gens ils demandent sur le bien, moi je demande sur le mal afin de m'éloigner. طيب حتى لو كلنا على هذا الكلام لكان ردا عليك. Bah oui. Parce qu'il dit, là c'est seulement un compagnon. Il dit la plupart des gens ils demandaient sur le bien. Oui, mais le compagnon. Et il te dit bien dans le hadith, il te dit la plupart des compagnons ils demandaient sur le bien. Et من هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر وبقية الفضلاء وهؤلاء ولا شك أنهم أرفعوا رتبة من حذيفة بن اليمان. لكن هذا Non, c'est une leçon, certes. Mais quand lui il vient et te dit que la plupart des compagnons ont demandé sur le bien, ça va? Biché il ahabba ilayya min maftaradtu alayh. Jamil. Le hadith d'Abi Huraira qui dit, ou le prophète sallam dit, c'est un hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne s'est pas rapproché de moi, mon serviteur, par une chose que j'aime le plus que par l'accomplissement des obligations. تمام اذا ما هو القول الفصل ابو عبد الرحمن قد ادرك الموضوع ابو عبد الرحمن الى بك المساله التي simple المساله تقول فيها تفصيل en fait c'est une masala في الحقيقه شيخ الاسلام ابن تيميه lui il est de l'avis que le fait d'accomplir les actes d'obéissance, c'est mieux, c'est plus élevé que le fait de s'éloigner des interdits. Vous voyez ? Là, ce que vous avez évoqué, c'est la wajj. Est-ce qu'on a évoqué la wajj ? Falabud hina idin min at-tafsil. En vérité, si ta patience face à ta patience dans l'obéissance, si c'est une obéissance qui est adim, si c'est une obéissance qui est adim, elle est meilleure que une désobéissance sur des choses qui sont basites. Vous voyez ? Sur des choses qui sont simples. Par exemple, le fait que tu accomplisses le tawhid d'Allah Azzawajal. Tamam ? C'est meilleur. Voilà chaque, c'est meilleur. Que tu n'urines pas maintenant dans de l'eau qui stagne. Le fait d'uriner dans de l'eau qui stagne, c'est interdit. Ça va? Vous êtes d'accord? Maintenant, le fait que tu t'éloignes du shirk, ça c'est sabr an ma'siyatillah. Le fait que tu t'éloignes du shirk, c'est meilleur. Que tu sois constant dans Salat al-Duha. C'est meilleur que tu sois constant dans la prière de Duha, la Nawafil. Même si c'est une obéissance, là, l'interdit, il est plus grand encore que cette obéissance. Tamam ? En fait, ça va dépendre tout simplement de la relation. Si l'obéissance, il est grand, alors, on dira que c'est meilleur. De faire cet acte d'obéissance que le contraire. Tamam. Wallahu ta'ala a'lam. Baqiya mas'ala. As-sabr an ma'siyatillah ou an aqdarillah. Ma huma al-afdal. C'est quoi le meilleur entre la patience face au décret d'Allah et la patience face aux interdits? وهناك c'est comme si tu disais il y avait presque un ijma' ma hunak khilaf wallahu a'lam j'ai pas vu de khilaf dans cette masala face au décret parce que le décret il tombe on s'y attend pas en général Moussa il dit face au décret comme le fait de ne pas patienter face au décret c'est du kufr. Akala et Bila se rebeller, ouais, se rebeller face au décret, c'est pas ça, c'est un pilier dans la vie. C'est interdit. C'est parti du destin, bon, on veut, pas du tout. Bah oui. Ça va, c'est un pilier de la foi. Bila Chak. La Kenal, celui qui ne patiente pas, il est kafir. Ça, c'est celui qui ne croit pas au destin. Oui, parce que là, on parle de celui qui ne croit pas au destin. Tamam. Mais celui qui ne pratique pas, même. Il croit au destin, mais il ne pratique pas. C'est-à-dire, il ne fait pas preuve de patience. Lui, on ne dit pas qu'il me croit. Il sort de cela. sauf s'il est venu avec des paroles qui confirment ça. Donc, vous êtes tous unanimes sur le fait que la croyance, la patience face au décret est plus élevée que la patience face aux interdits. Ouais. Mais l'interdit, on t'interdit de le faire et tu passes en dessus. Ouais. Et le décret, il tombe sur toi, mais tu vois. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est interdit. Parce que tu te retiens, tu patientes. Sauf ce qui est interdit pour toi. Pourquoi? T'es avec lui, Jarfot? On t'interdit quelque chose, donc tu passes en dessous. C'est pas bon pour toi. On t'interdit. Tu passes en dessus, Jarafar. Très bien, Ismail, Akhwan, Ismail, avec Jarafar sur une parole. On est avec Ismail. C'est comme ça, je. Pour le décret, parfois, tu te tombes dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est destiné, en fait. Tu t'y attends pas. Mais tu fais un effort patient sur toi. Ah, d'acheter, ouais, d'acheter. Donc là, Ismail et Jaafar, ils sont de l'avis que la patience face aux interdits est plus élevée. Le décret, tu t'y attends pas. Tu fais un effort sur ce qui est interdit. Tu t'y attends pas, t'as plus de... Non, mais après, il faut voir, comme dans l'exemple qu'il a dit tout à l'heure, c'est quoi de plus fort? Non. Parce que si tu passes pas, par exemple, face aux épreuves, face aux interdits sur l'adit, tu passes pas face au shirk. Ça veut dire que tu es un coup fort, mais si tu ne passes pas face à une épreuve, bah, c'est avec... T'es avec Moussa. Moi aussi, puisque les décrets, c'est les albums. Sur le décret, ça fait partie du communisme. Naam. Si ça fait partie du communisme, donc on n'a pas de choix dans ça. Donc Marseille Attila, tu as le choix, donc, soit tu fais, soit tu ne fais pas. Comme tu reviens sur l'avis de Ismail. Mais le Marseille, c'est... Donc là, on a trois Ismail qui sont presque sur la même parole. T'es avec... Hein? T'as pas d'avis? Ok, donc on a deux Ismail sur la même parole. Mais là, comme dit Ismail, il y a le tournée, Charan, ça veut dire que le Marseille, ça fait le rencontre de Charan aussi. Non, tu as le Charan. Non. Et puis, c'est... un Charan, quoi. Taïd, al-jawab, ya ikhwanana al-ahibba, أن الصبر عن المعصية أفضل وأتم من الصبر عن أقدار الله. لماذا؟ كما les frères l'ont expliqué, c'est que le qadar, ça tombe sur toi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. T'as pas de la mahal. On dit ta maison elle a brûlé, tu peux pas la ramener. Malak, ça y est, c'est fini. Ça veut dire elle a brûlé. Toi, tu peux pas essayer de l'éviter. On dit un tel, il est mort. Tu ne peux plus le ramener à la vie. Ça y est, c'est fini. Malakil la sab. Tu n'as rien d'autre que de patienter. Et cette patience-là, vous pouvez même la trouver chez des mécréants. Vous pouvez même la trouver chez des mécréants. Des gens qui n'ont pas de foi, rien du tout. Ils vont dire, voilà, il est parti. Un tel, il est mort. Bon, voilà. C'est fini, toi. Non. Tandis que la patience face au péché, la yastourillah min ahl al-iman. La patience face au péché, Elle ne se produit que de personnes dotées de foi. Ça va? Donc là, l'imam Cheikh l'Islam il dit Kana sabr Yusuf an mutawa'ati imra'ati al-aziz ala sha'niha akmal min sabrihi ala ilqa'i ikhwanihi lahu fil jub. La patience de Yusuf dont il a fait preuve devant la femme qui était belle, qui était jeune, qui était riche, qui était d'une noble lignée. Hein? Elle avait tout ce qu'une femme, tout ce qui est recherché chez une femme. Ou sauf peut-être la piété, bien que c'était quand même une femme pieuse, puisqu'elle s'est repentie, comme vous savez, dans la fin de l'histoire. Elle a appelé Youssouf à faire la fornication. Youssouf, il a tenu. Il a patienté face à l'interdiction. Cette patience dont il a fait preuve, Cheikh l'Islam dit qu'elle est plus élevée et meilleure que la patience dont il a fait preuve lorsqu'on l'a jeté dans le puits, lorsqu'on l'a séparé de son père, lorsqu'on l'a vendu comme un simple bétail, comme une simple marchandise. Non. Qala fabay'uhu tayyib akmal min sabrihi ala ilqa ikhwanihi له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه فإن هذه الأمور جارت عليه بغير اختياره ولا كسب له فيها وليس فيها حيلة غير الصبر Parce que tout ce qui lui est arrivé là, Youssouf, quand on l'a jeté dans le puits, quand on l'a vendu, quand on l'a séparé de son père, quand... tout ça là, il n'avait rien d'autre, il n'avait pas d'autre moyen que de patienter. Pas d'autre moyen que de patienter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans le puits, il est dans le puits. On le vend. T'as mal? Il n'a rien d'autre. On l'a séparé de son père. Il n'a rien d'autre pour il n'a pas d'autre choix que de patienter. Tandis que là, face à la femme, là, il avait le choix. Le choix, il est dans ses mains. T'as mal? Soit tu fais, soit tu fais pas. Soit tu es récompensé, soit tu es châtié. T'as mal? Et là, il a tenu. Alayhi salawatu. Alayhi salawatullah. والسلام وننتهي بهذا الأمر وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك ونطول الرضيع وسنتي لا إن شاء الله.